Madame de Pompadour, conférence de Madame Marcel Tiner. Mesdames et messieurs, il y avait à Paris, vers 1721, un ménage bourgeois qui ne pratiquait pas du tout les vertus bourgeoises. C'était le ménage d'un commis de finance appelé François Poisson et de sa jeune femme, Madeleine. Ce monsieur Poisson était très vilain, aussi vilain que son nom. Il était même grossier dans son langage, fort vulgaire et un peu tripoteur. Il avait été chargé de fournitures militaires et il avait reçu beaucoup de pots de vin. Il avait même risqué la potence, mais avait échappé à ce danger en faisant un petit voyage à Bruxelles. C'était un homme d'affaires. Enfin, M. Poisson accepta les petits inconvénients de son métier. Il fut très patient, il attendit et intrigua un peu. Il revint de Bruxelles pour trouver sa fortune, sa place et sa femme. Madame Poisson était très jolie. Elle avait deux enfants jolis comme elle, qui ne ressemblait pas du tout à son mari. Les mauvaises langues prétendaient qu'il ressemblait un peu à un ami de la famille, qui était un homme beaucoup plus distingué que M. Poisson et qui s'appelait M. Lenormand de Tournehem. Cet ami de la famille avait une tendresse particulière pour la petite fille, qui s'appelait Jeanne-Antoinette Poisson. C'était une enfant charmante, tellement charmante, que Mme Poisson, qui aimait beaucoup sa fille, faisait pour elle les rêves les plus bizarres. À force de rêver l'avenir, elle voulut le connaître. Elle conduisit sa fille, qui avait alors 9 ans, chez une chiromancienne. Celle-ci, qui n'était pas sotte, vit tout de suite à qui elle avait affaire. Elle comprit l'âme secrète de Madame Poisson, lui fit le grand jeu et lui déclara « Ma chère dame, votre fille ne sera pas reine, mais elle sera presque reine. Elle sera la maîtresse du roi. » Madame Poisson avait un tempérament de mère d'actrice. Elle était en plus jolie, une sorte de madame cardinale. Cette prédiction lui fit un très grand plaisir. Elle embrassa sa fille et la surnomma Reinette. Désormais, dans la maison, on ne l'appelait plus que par son nom. Quand on élève une demoiselle pour le roi de France, on lui apprend autre chose que l'Ave Maria et le tricot. Reinette apprit le chant avec le fameux maître de l'époque, Géliot, la déclamation avec le poète Crébillon, le clavecin, la danse, etc. Elle dessinait gentiment et gravait même des pierres fines. Quand elle fut grande, elle fut très demandée dans les salons parisiens. M. Poisson n'y paraissait pas. Madame Poisson n'était pas d'une très bonne éducation, mais la jeune fille était délicieuse. Un soir, chez Madame d'Angervilliers, on lui fit jouer du clavecin, et elle en joua d'une façon si émouvante et si pathétique qu'une dame, pas très jeune, pas très jolie, qui se trouvait là, se mit à fondre en larmes et se précipita dans les bras de la musicienne en l'embrassant. La jeune Mademoiselle Poisson, étonnée, demanda qui était cette dame qui aimait tant la musique. On lui répondit que c'était Madame de Mailly, la maîtresse du roi. Reinette pense alors que le roi n'avait pas très bon goût, et la prédiction de la chiromancienne lui revint à la mémoire. Pourtant, quelques mois plus tard, elle épousa un beau jeune homme, mais qui n'était pas le roi. C'était le propre neveu de M. de Tournehem. Il s'appelait M. d'Étiol. M. d'Étiol était très amoureux de sa femme et n'était pas jaloux parce que lui ne croyait pas à la cartomancie. Reinette parut contente. Elle eut un fils qui mourut en bas âge et une petite fille qu'elle aima passionnément, comme sa mère l'avait aimée. Elle s'entoura d'artistes et de gens de lettres. Elle avait une certaine situation de fortune, une belle maison à la campagne, et l'on passait chez elle des soirées charmantes. Elle était un peu flirteuse, mais on n'avait rien à en dire. Quelquefois, par manière de plaisanterie, elle disait à ses amis « J'aime tant mon mari que je ne le tromperai jamais qu'avec le roi. » Et M. d'Étiol trouvait la plaisanterie charmante. Il ne se doutait pas que les femmes ont quelquefois des façons très sournoises d'être sincères, et que plus la vérité est scandaleuse, moins on risque à la proclamer. Bientôt, tout le monde sut que la petite d'Étiol était amoureuse du roi, mais le roi n'en savait rien. Il avait déjà enterré plusieurs maîtresses, et il allait enterrer bientôt sa maîtresse actuelle, Madame de Châteauroux. Cependant, Madame de Châteauroux n'était pas encore enterrée. Elle connut avant le roi l'existence de la petite Madame d'Étiol, qui avait une maison de campagne près de la forêt de Senart. Elle avait remarqué cette petite femme fine, gracieuse, toujours habillée de bleu ou de rose, qui conduisait elle-même une petite voiture et suivait même la chasse royale. Le roi aussi finit par remarquer cette petite femme rose. À ce moment-là, Madame de Châteauroux était extrêmement inquiète, et c'est alors qu'elle mourut subitement, ce qui était fort désagréable pour elle, mais elle lui épargna beaucoup de déplaisir. Le service funèbre n'était pas terminé qu'une foule de dames très nobles aspirait à consoler le roi. Elles ne s'avisaient point que le roi portait malheur à ses maîtresses. Elles mouraient toutes. En Italie, on eût dit que Sa Majesté avait le mauvais œil. Mais en France, on disait simplement que Sa Majesté avait de très beaux yeux et qu'il pouvait être aimé pour lui-même. Être aimé pour soi-même, c'est un bonheur qui est plutôt rare pour les rois, à moins qu'ils ne soient détrônés. Les gens très puissants, par exemple les banquiers, les ministres, les directeurs de théâtre, les directeurs de journaux, enfin tous les potentats de la société parisienne, qui, par leur situation, peuvent rendre service à de jolies femmes ou aux amis des jolies femmes, sont très sollicités. Ils sont rarement très heureux. Quand une charmante personne leur dit « Oh, que vous m'êtes sympathique !» ils ont de la méfiance, à moins qu'ils ne soient très bêtes ou très épris, et le souvenir de leur grande fortune gâte leur bonne fortune. Il en est de même pour les rois. Mais Louis XV, par chance, était de ceux qui peuvent inspirer l'amour. Il avait été aimé par beaucoup de femmes, à commencer par la reine Marie Ledzinska. Marié à 17 ans avec cette Polonaise bonne et vertueuse, mais sans beauté, il avait la grâce d'un prince charmant et la vertu d'Hippolyte. Il était tellement ignorant des femmes qu'il trouva la sienne délicieuse et qu'il en fut amoureux. Il eut d'abord avec enthousiasme une demi-douzaine de filles. Elle naissait par couple ou toute seule, à terme ou avant terme, il en naissait tous les ans. Au bout de 5 ou 6 filles, la reine commençait à être très fatiguée. Elle était froide comme le pôle Nord, tellement froide qu'elle ne pouvait plus jamais se réchauffer. Elle avait 12 couvertures en hiver et 7 en été. Sur ces couvertures, elle avait encore une quantité de petits chiens très gentils mais très remuants. Le roi fut un peu déçu, puis très déçu, et enfin tout à fait déçu. Il commença à regarder les autres femmes. Il la regarda si bien qu'il devint amoureux de Madame de Mailly, puis de la sœur cadette de Madame de Mailly, ensuite de la troisième sœur de Madame de Mailly. Toute la famille de Mailly y passa. Mais en même temps, sans enthousiasme et par devoir professionnel, il continuait d'avoir des filles. Il en survint encore une demi-douzaine. La reine était à moitié morte quand le dauphin naquit. Alors il déclara au roi qu'elle l'aimait toujours d'une pure tendresse, mais le supplia de la laisser reposer seule sous des couvertures toujours plus épaisses et avec des petits chiens toujours plus remuants. Le roi fut libre, et il faut convenir que c'est encore une excuse pour lui. Ce pauvre Louis XV a une réputation épouvantable de débauché et de très mauvais mari, mais on ne fait pas assez attention à l'histoire des couvertures et des petits chiens. C'est pourtant cela qui explique tout. En 1745, le roi était moralement libre. Il était aussi libre de cœur, car il était veuf de sa dernière maîtresse. Il est très triste, et il va marier son fils, mais il n'a pas du tout l'âge ni la figure d'un grand-père. C'est un homme de 35 ans, de belle taille, de très noble mine, qui ressemble en beau à sa mère, la duchesse de Bourgogne. Mais la duchesse était vive et gaie, tandis que le roi est naturellement mélancolique, plus distant que hautain, plus égoïste que méchant, avec une disposition invincible à la méfiance. Son enfant solitaire et sans caresse, le spectacle des intrigues de cour, l'avait rendu à jamais dissimulé. Il n'avait confiance en personne, pas même en lui. Il était éternellement ennuyé, et si, en cherchant l'amour, il a trouvé la débauche, c'était peut-être pour fuir l'ennui. Au moment du mariage du dauphin eurent lieu de très grandes fêtes. On donna au château de Versailles un bal dont l'accès était presque libre. Il y avait des buffets épouvantablement encombrés. 500 ou 600 personnes mangeaient assises par terre, d'autres étaient dans les escaliers. On trouvait là un monde très mélangé. La plus mince bourgeoisie coudoyait la plus haute noblesse. La reine y fut, le dauphin également avec sa nouvelle dauphine. On attendait le roi, mais il ne venait pas. On savait pourtant qu'il devait paraître sous un déguisement singulier, costumé en nif de Versailles. On vit enfin un personnage qui était habillé en nif. Il portait une sorte de vêtement verdâtre avec du feuillage qui affectait la forme d'une pyramide. Puis un autre déguisé tout pareil, et encore un autre. Il y en avait 8. et toutes les grandes dames venues pour consoler le roi se demandaient quel était l'if qui était le bon. Parmi ces grandes dames, il y en avait une qui se croyait beaucoup plus maligne que les autres. C'était la présidente Portail, une dame qui avait une très mauvaise réputation. Elle avait un toupet extraordinaire, et elle crut tout de suite qu'elle avait reconnu le bon if. Elle fit mille grâces à cet arbre, l'arbre y fut très sensible, et l'on vit disparaître l'arbre et la présidente dans un petit appartement. Mais la présidente Portail s'aperçut trop tard qu'elle s'était trompée. Elle avait pris l'écuyer du roi pour le roi. Celui-ci n'y avait rien perdu, mais il n'y avait rien gagné. Cependant, Madame d'Étiolles, sous un domino noir, causait dans un coin avec un if. Comme elle avait été avertie et bien stylée, elle savait à qui elle avait affaire. Ce fut une minute exquise, et profitant de la liberté de cette cohue presque démocratique, le roi et la jeune femme s'entendaient fort bien. Les jours suivants, Madame d'Étiolles allait à Versailles en grand mystère et ce fut entre le roi et elle une affection toute sentimentale. Mais vers le milieu de 1745, Madame d'Étiolles s'installa à Versailles et s'y montra avec le roi et les amis du roi. C'était une véritable déclaration. M. d'Étiolles eut un très grand chagrin lorsqu'il apprit ce qui se passait. Il s'évanouit de douleur. Mais comme il était très amoureux, il écrivit à sa femme qu'il était prêt à lui pardonner à la condition qu'elle revînt. Mais Madame d'Étiolles n'avait pas envie d'être pardonnée. Elle fit prononcer la séparation de biens par le Châtelet et reprit sa dot et sa fille. M. d'Étiolles en fut très affecté. Il en fit une grande maladie. Il guérit de sa maladie et de son amour, puis il resta longtemps très triste. Quelques années plus tard, il se trouvait en province dans un dîner et un brave provincial, qui n'était pas très au courant des histoires scandaleuses, demanda quel était ce monsieur si bien. On lui dit « C'est le mari de Madame de Pompadour. »« Ah, très bien. » Et au dessert, le brave homme s'approcha de M. d'Étiolles et lui dit « Je suis charmé de faire la connaissance de M. de Pompadour. » Le roi lui-même n'avait pas été insensible au malheur de M. d'Étiolles et il avait dit à sa maîtresse « Madame, vous avez un mari bien honnête homme. » Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire pour ce mari. Madame d'Étiolles conserva pendant quelque temps une attitude assez discrète. Le roi lui savait gré d'être une bourgeoise, et il ne retrouvait pas avec elle les ennuis qu'il éprouvait avec l'agent de la cour et qu'il ne leur pardonnait pas. Il se rappelait par expérience personnelle et par l'expérience de son bisaïeul Louis XIV quels étaient les inconvénients des maîtresses titrées. Il n'avait aucune envie d'avoir à sa cour une nouvelle Montespan qui serait avide d'argent, de charges et d'honneur, et qui traînerait toute une famille à pourvoir. Avec la petite d'Étiolles, il ne risquait rien de pareil. Mais Madame d'Étiolles se mit à pleurer, dit qu'elle était déshonorée, qu'elle avait fait au roi un sacrifice épouvantable. Alors le roi pensa qu'il lui devait une compensation et que, pour lui-même, il ne pouvait pas avoir comme maîtresse une personne qui portait le nom de poisson. Pour faire passer ce poisson-là, il fallait la sauce d'un titre, et on trouva le titre de marquise de Pompadour. En septembre 1745, Madame d'Étiolles était devenue marquise de Pompadour, mais on dut déclarer son titre officiellement. Ce fut alors une comédie extraordinaire. Il fallait quelqu'un qui consentît à présenter la nouvelle marquise. Toutes les dames de la reine refusaient de participer à cette affaire, mais la princesse de Conti fut très adroite. Elle dit au roi qu'elle voulait lui faire plaisir, qu'elle ne pouvait rien refuser à sa majesté, et à la reine elle déclara qu'elle était contrainte et forcée. De cette façon, elle ménagea les deux. La présentation eut lieu. On mena Madame d'Étiolles en grand costume chez le roi à qui l'on présenta Madame la marquise de Pompadour. Le roi devint cramoisi, il ne dit rien, il était très embarrassé. Ensuite, on mena la nouvelle marquise chez la reine. Les bonnes âmes de la cour se demandaient ce que la reine allait dire. Eh bien, la reine s'en tira très bien. Elle était un peu philosophe. Elle ne demandait à son mari que des égards que celui-ci ne lui accordait pas toujours. Elle eut presque pitié de l'embarras de cette jeune femme et lui adressa quelques petites phrases très simples qui furent très désagréables aux amis de Madame de Pompadour et qui prouvèrent qu'elle avait gagné la partie. Mais après cela, il fallut aller chez le dauphin. Ce fut une toute autre affaire. Le dauphin était très dévot et cela l'ennuyait beaucoup de recevoir la maîtresse de son père. Alors, obligé de donner l'accolade officielle à cette jeune femme charmante, il l'embrassa, posa sa joue contre celle de Madame de Pompadour et lui tira la langue. Toutes les personnes qui étaient là s'amusèrent beaucoup. Madame de Pompadour ne vit rien naturellement. Tout le monde riait. Lorsque le roi le sut, il se mit dans une colère épouvantable et obligea son fils à faire des excuses à sa maîtresse. Madame de Pompadour avait trop d'esprit pour montrer de la rancune. Elle se vengea en dessinant et gravant le portrait du dauphin. Le dauphin fut sensible à cette attention. Voilà donc la prédiction de la cartomancienne accomplie. Renée de Poisson est devenue Renée de France. À cette époque, elle avait juste 24 ans. C'était une femme plus jolie que belle, mais tellement jolie qu'elle était presque belle. Elle avait des cheveux châtains qui se souvenaient d'avoir été blonds et qui étaient encore assez blonds pour être un peu dorés sous la poudre. Elle avait des traits fort délicats, une jolie peau, une jolie taille, une bouche charmante, des dents délicieuses. Elle aurait été parfaite si ses lèvres n'avaient pas été un peu pâles. Elle était déjà très anémique et elle avait la mauvaise habitude de se mordiller les lèvres pour les rougir, ce qui les abîmait un peu. Ses yeux n'étaient pas bleus, ils n'étaient pas verts, ils n'étaient pas noirs. Ils étaient de la couleur de ses émotions, c'est-à-dire très variables. Ses manières étaient un peu hardies, vives, passionnées. Elles devinrent bientôt imposantes et l'on peut dire que l'ensemble de sa personne, comme l'a déclaré très justement un contemporain, semblait faire la nuance entre le dernier degré de l'élégance et le premier de la noblesse. Elle était ambitieuse et avait le droit de l'être, car elle était extrêmement intelligente et perspicace. Cette petite femme, sous la poudre et les fleurs, cachait un cerveau très solide et un esprit très clairvoyant. L'expérience lui avait appris bien des choses, et l'intuition lui enseigna le reste. Ses petits pieds délicats et intrépides ne glissèrent pas sur le terrain nouveau et périlleux de la cour, pas plus qu'ils ne glissèrent sur les fleurs semées par ses amis ou sur la boue jetée par ses adversaires. Madame de Pompadour était-elle l'amoureuse du roi? Je crois qu'elle l'était. Il y avait beaucoup d'ambition dans son amour, mais il y avait de l'amour sincère dans son ambition. Elle aimait le roi parce qu'il était fort aimable, et aussi parce qu'elle croyait, en l'aimant, qu'elle remplissait sa destinée, qu'elle obéissait vraiment à une loi du destin. C'est ce qui explique et même ce qui excuse un peu sa cruauté pour M. d'Étiolles. Elle l'avait considéré comme un mari provisoire, un premier échelon. Elle l'en avait bien averti pendant quelques années puisqu'elle lui disait à tout propos « Je ne me tromperai qu'avec le roi ». Elle tenait sa parole. Madame de Pompadour comprit très vite que le grand triomphe pour une femme amoureuse, ce n'est pas tant de conquérir un amant très recherché, c'est de le conserver. Je vous assure que ce n'était pas commode de conserver Louis XV. Il avait tous les défauts des hommes, il avait aussi les défauts des rois, ce qui en faisait beaucoup. Le roi avait logé sa favorite dans un appartement qui passait alors pour modeste, et qui est encore délicieux. Je suppose que tout le monde connaît le château de Versailles. Si vous avez la chance de séduire l'aimable monsieur de Nolac, je ne parle pas de soudoyer les gardiens parce qu'ils sont incorruptibles, vous pourrez peut-être monter jusqu'au quatrième étage par un tout petit escalier et visiter un appartement composé de 3 pièces. Il y a une chambre, un salon avec une alcôve, une seconde chambre où loger la chambrière et des fenêtres qui donnent juste sur la façade du palais et dominent toute l'étendue des jardins. C'est vraiment un plaisir très délicat que de regarder dans ce petit appartement la glace de la cheminée, qui est encore intacte, et qui a reflété le joli visage peint par la tour. On peut reconstituer par l'imagination toutes les scènes de la vie quotidienne. Il y a encore la place de la toilette qu'entourait chaque jour la foule des courtisans. Vous y verrez l'alcôve intacte. C'est là que la marquise passa ses premiers jours, qui furent des jours de joie et de triomphe. Mais bientôt elle s'aperçut que les couronnes de roses ont beaucoup d'épines. Sa jolie figure et son caractère énergique et souple, ses talents et ses grâces la prédestinaient à ce rôle un peu difficile de maîtresse de roi. Mais la nature qui était si bienveillante pour elle l'avait trahie, en lui refusant une qualité essentielle, je veux dire la santé. Cette blonde un peu pâle avait dans les veines un sang très pauvre, et même les douces couvertures et les petits chiens de la reine n'eussent pas suffi à la réchauffer. Le pauvre roi, très amoureux et très sensuel, retrouvait la Russie après la Pologne. Il était très vexé dans son amour-propre de bel homme. La femme de chambre de Madame de Pompadour, Madame du Haussay, qui a laissé des mémoires qui n'ont pas une grande valeur littéraire mais qui sont très intéressants, raconte avec une parfaite naïveté des choses qui donnent une idée plutôt mélancolique de la vie de Madame de Pompadour. Un certain jour, Madame du Haussay s'aperçut que la favorite s'était mise à un régime bizarre. Elle ne mangeait plus que du chocolat vanillé et du céleri. Comme ce régime ne lui réussissait pas du tout, une de ses amies, la duchesse de Brancas, lui demanda pourquoi elle avait adopté un mode de nourriture aussi peu hygiénique. La marquise de Pompadour se mit à pleurer et dit « Je suis troublée par la crainte de perdre le cœur du roi. Je l'adore et voudrais lui être agréable, mais hélas, il me trouve froide comme une macreuse. Il se dégoûtera de moi et en prendra une autre. Je voudrais avoir un peu plus de chaleur. » Madame de Brancas lui répondit « Ma chère amie, ce n'est pas votre régime qui empêchera de perdre le roi. Ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous attacher le roi par d'autres moyens. C'est de lui rendre votre société toujours agréable par votre douceur. L'habitude sera un lien plus puissant que tous les autres. » Le conseil était très bon. Madame de Pompadour en fit son profit, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commença à devenir l'amie du roi tout en restant sa maîtresse. Les Pironnelles de la cour lui reprochaient beaucoup son origine bourgeoise et son nom de poisson. C'est pourtant cette origine bourgeoise qui explique certains traits de caractère qui assurèrent la longue fortune de Madame de Pompadour. Une Montespan peut être altière, impérieuse, elle doit l'être, cela fait partie de sa race et de sa fonction. Mais elle fait trop sentir au prince qu'elle déchoit en s'élevant jusqu'à lui. Elle est très exigeante, tandis qu'une femme née dans un rang inférieur, qui s'est lentement élevée, qui a vu beaucoup de choses et beaucoup de gens, qui a perdu chemin faisant ses préjugés et ses scrupules, cette femme, qui n'a, pour la soutenir dans le monde, ni l'armature d'une grande fortune, ni l'appui d'une famille très noble, ne doit compter que sur elle-même. Nulle marquise authentique n'avait reçu une éducation aussi complète et aussi parfaite que Mademoiselle Poisson. Avec ses talents de peintre et de musicienne, son élégance exquise et volontaire, son art de la conversation, la marquise de Pompadour était, au sens flatteur du mot, une parvenue de génie. Elle a tous les caractères de la Parisienne de race qui s'adapte et s'assouplit à toutes les situations. On peut dire que c'est la première fois qu'apparaît dans l'histoire de France une femme qui est vraiment la femme de Paris. La marquise de Pompadour peut être à la fois une politicienne, une artiste, une amoureuse et en même temps une bonne mère de famille et toujours une femme charmante. La plus grande habileté de Madame de Pompadour, ce fut de comprendre et de flatter les goûts du roi au lieu de lui imposer les siens et d'amuser cet inamusable. Ce n'était pas une sinécure que d'amuser le roi. Et à ce point de vue, on peut considérer l'histoire de Madame de Pompadour comme une histoire morale. Le roi vivait complètement avec elle. Il arrivait le matin dans son petit appartement du 4e étage. Il restait à la toilette de son ami jusqu'au moment de la messe. Il revenait après l'office, mangeait un potage ou une côtelette sans cérémonie et restait là jusqu'à 6 heures du soir. Pendant tout ce temps, il fallait lui raconter des histoires, faire de la musique, l'empêcher de s'ennuyer. Et c'était comme cela tous les jours. Le roi aimait beaucoup les potins. Ce n'est pas très royal, mais c'est ainsi. Il avait même l'habitude de se faire envoyer par le lieutenant des postes des petits extraits des lettres divertissantes que ses sujets s'écrivaient entre eux, ce qui n'était pas très joli de sa part. De cette façon, le roi était au courant de tout ce qui se passait à Paris ou à Versailles. La marquise de Pompadour lui racontait d'une manière spirituelle et charmante tous ses petits cancans de cour. Et lorsque le roi avait passé une heure avec elle, il était comme un Parisien qui aurait lu pendant une heure le Cri de Paris, la Vie parisienne ou autres journaux de ce genre. Cela était nécessaire pour égayer le roi, parce qu'il avait une humeur bizarre. Il avait la manie des conversations macabres. Souvent il aimait à parler de la mort, et cela durait pendant des heures. On essayait de parler d'autre chose, mais il n'y avait pas moyen, il revenait toujours à sa manie. Il prédisait les maladies des gens bien portants et d'autres fois la mort des gens qui étaient malades, et parfois, lorsque ces derniers guérissaient, ils n'étaient pas contents du tout. Pendant un voyage qu'il faisait à Crécy, il était en voiture avec Madame de Pompadour et une autre dame. On passa auprès d'un cimetière. Le roi fit arrêter la voiture et fit descendre son écuyer pour aller voir s'il y avait des fosses fraîchement creusées. Les deux dames faisaient une figure. L'écuyer revint et avec quelque répugnance dit « Sire, il y en a 5 ou 6 ». Alors la dame qui était là dit à son tour « Véritablement, cela vous fait venir l'eau à la bouche ». Madame de Pompadour, qui était impressionnée par ces histoires funèbres parce qu'elle était très malade, avait fort à faire pour éloigner ses idées pénibles de la mort. Alors, lorsque le roi exagérait, elle se mettait au clavecin, jouait un air de Rameau ou de Lully, et chantait une ariette ou montrait quelques bibelots. Car Madame la marquise de Pompadour était très collectionneuse. C'est elle qui, la première, a réuni des porcelaines de la Chine et du Japon. Elle renouvelait le piquant de sa beauté par des costumes imprévus et bizarres. Elle s'habillait en sultane pour recevoir le sultan, avec une jaquette ouverte sur la gorge, un turban, des babouches et un grand pantalon plissé en soie souple et en gaze. C'était la première jupe-culotte lancée par Madame de Pompadour. Elle s'était fait peindre par Vandelot dans ce costume qui lui essayait à ravir. Madame de Pompadour fit mieux encore. Elle osa ce que n'avait osé aucune des maîtresses de Louis XIV. Elle se fit actrice et danseuse. Elle avait très bien senti que lorsqu'un homme commence à se fatiguer d'une femme, son désir est ravivé par le désir des autres, et que plus elle est admirée par les gens qui sont venus pour cela, plus il est flatté. Elle avait organisé dans une des galeries de Versailles un petit théâtre que l'on appela le théâtre des petits cabinets. Elle avait une troupe d'amateurs. Madame de Pompadour avait même rédigé les statuts de cette troupe. Le premier article disait que l'on ne recevrait jamais des gens qui feraient leur noviciat dans la troupe. On se méfiait des débutants. Il y avait de très bons acteurs, des actrices du théâtre français qui venaient pour donner des conseils aux comédiens improvisés. Et parmi les chanteurs se trouvait le fameux Géliot, le ténor à la mode, qui tenait les premiers rôles. Ces représentations avaient un énorme succès. On joua d'abord Tartuffe, ce qui était une drôle d'idée, ensuite les 3 cousines de Dancourt, puis un opéra, Érigone, qui eut un très grand succès. Pour cette circonstance, on invita la reine, le dauphin et les filles du roi. La reine vint et trouva cela très gentil, parce que depuis très longtemps, son mari ne l'invitait plus jamais à rien. Alors elle sut, grâce à la favorite, d'avoir pensé qu'elle existait encore à la cour et l'applaudit d'une façon fort aimable. Les gens de la cour, même ceux qui étaient du parti de la reine, n'osaient plus rien dire du tout. Ils étaient absolument muselés. Ce fut le moment du grand triomphe. Madame de Pompadour devait paraître en travestie dans le rôle de Colin du devin de village de Rousseau. On raconte à ce propos une histoire très amusante. Jean-Jacques Rousseau devait assister à la représentation, mais naturellement il pensa que c'était une occasion de faire montre de républicanisme et de philosophie. Il se dit que, lui qui prêchait le retour à la nature, il allait montrer aux gens de Versailles ce que c'était qu'un philosophe. Il arriva avec une vieille perruque, de gros souliers, un vieil habit. Quand il fut là, comme il était timide, il eut bien envie de s'en aller. Il s'en alla et n'assista pas à la représentation. Madame de Pompadour ne lui en garda pas rancune parce qu'on savait que Jean-Jacques était un original. Parmi les filiales de Madame de Pompadour, il y avait d'autres gens de lettres. Voltaire, Crébillon et Bernice furent ses 3 amis. L'abbé de Bernice était un homme charmant. Le roi, qui s'en allait à la guerre, voulait laisser auprès de sa maîtresse quelqu'un de gai et pas dangereux. C'est alors qu'il se dit « Je vais y laisser l'abbé ». On dit à l'abbé qu'il allait accompagner Madame de Pompadour et il accepta ce rôle. Il lui adressait des madrigaux dans le goût du temps et qui sont tellement du XVIIIe siècle qu'ils ont l'air de pastiche. Cela semble avoir été fait exprès, car on retrouve dans ces pièces de vers de M. de Bernice tous les clichés de l'époque. Les petits exercices de M. de Bernice le firent nommer ambassadeur à Venise. Ce ne fut pas un plus mauvais ambassadeur qu'un autre. Il avait auprès de Madame de Pompadour un rival en madrigaux, c'était Voltaire. Voltaire avait beaucoup plus de génie que M. de Bernice, mais comme caractère il était infiniment moins sûr et moins agréable. Il connaissait Madame de Pompadour depuis qu'elle était Madame d'Étiol. Il l'avait beaucoup fréquentée chez elle et avait marqué par de petits madrigaux et de petits vers toutes les étapes de sa carrière amoureuse. Voltaire n'était pas, comme Jean-Jacques, un sauvage. Ce n'était pas lui qui allait à la cour avec de gros souliers et de vieilles perruques. Il voulait passer pour un gentilhomme. C'est un petit travers très fréquent chez les gens de lettres. Une fois, Madame de Pompadour, qui n'était pas alors la maîtresse déclarée du roi et s'appelait encore Madame d'Étiolle, lui envoya quelques bouteilles d'un vin de Tokay qui venait des caves royales. Voltaire lui répondit « Sincère et tendre Pompadour, car je peux vous donner d'avance ce nom qui rime avec amour et qui sera bientôt le plus beau nom de France, ce Tokay dont votre excellence, dans Étiolle, me régala, n'a-t-il pas quelque ressemblance avec le roi qui le donna? Il est, comme lui, sans mélange. Il unit comme lui la force et la douceur, plaît aux yeux, enchante le cœur, fait du bien et jamais ne change. » À force de petits vers, Voltaire obtint ce qu'il n'aurait jamais obtenu avec ses plus grands poèmes, le titre d'historiographe du roi, une charge de gentilhomme de la chambre et un fauteuil d'académicien. Mais Voltaire avait les dents longues et il voulut davantage. On lui permettait d'être amical, il devint familier et même insolent. Il finit par se brouiller avec le roi et avec la favorite et écrivit à son tour des petits vers méchants et grossiers contre celle qu'il avait appelée la sincère et tendre Pompadour, tout cela parce qu'il était jaloux du vieux Crébillon. En effet, la grande raison de cette animosité de Voltaire contre Madame de Pompadour, c'était l'affection constante que celle-ci avait pour le vieux poète. Crébillon n'était pas un poète dramatique bien agréable. Il faisait des pièces tout à fait sinistres, on s'y égorgeait tout le temps, le sang coulait, ce n'était que fureur, poignard et empoisonnement. Je ne crois pas que Madame de Pompadour aimait beaucoup ses pièces, mais elle aimait beaucoup en Crébillon un vieil ami et un brave homme. Voltaire, qui était très supérieur à Crébillon, n'a jamais pu lui pardonner cela. Il ne se contentait pas d'être admiré, il voulait que l'on n'admirât pas Crébillon. Pourtant, lorsque Madame de Pompadour mourut, il lui rendit justice et écrivit à un de ses amis qu'il gardait à Madame de Pompadour un souvenir reconnaissant, qu'elle lui avait rendu bien des petits services et qu'il lui pardonnait tout juste d'avoir marqué une sympathie exagérée pour Crébillon. Vers 1752, il y eut un grand changement dans la vie de Madame de Pompadour. Elle quitta l'appartement du quatrième étage pour s'installer dans un appartement beaucoup plus vaste et plus beau, au rez-de-chaussée du palais. À cette époque, Madame de Pompadour était déjà très malade. Sa beauté s'était fortement altérée. Elle était aussi beaucoup moins gaie et avait beaucoup moins d'illusions qu'au début de sa liaison avec le roi. Elle avait perdu sa fille Alexandrine, qui était une très jolie enfant, qu'elle aimait passionnément, pour laquelle elle avait de grandes ambitions, qu'elle voulait marier à un duc ou à un prince. Sa mort lui fut très douloureuse. Elle avait été aussi extrêmement blessée par les manœuvres de certains courtisans, par les méchancetés de Maurepas qui avaient fait courir dans Paris des libelles, de petites chansons infâmes que la décence m'empêche de vous citer, et que l'on appelait les poissonnades. Ces angoisses pendant la maladie du roi, la crainte constante d'être renvoyée et remplacée, les trahisons d'amitié, la haine du peuple qui voyait en elle le mauvais génie du royaume, avaient détraqué ses nerfs toujours tendus et vibrants. En tout temps, elle avait combattu pour écarter des rivales. Richelieu, qui la détestait, avait mis en avant Madame de Coislin. C'était une femme extrêmement hardie. Un soir, Madame de Pompadour rentra dans sa chambre en pleurant et dit à Madame du Hausset « Vraiment, il n'y a rien de si insolent que cette Madame de Coislin. J'étais à la table de jeu, elle m'a regardé d'un air triomphant en disant « Eh bien, Madame, j'ai brûlant de roi. » « Et le roi, dit Madame du Hausset, lui a-t-il fait ses belles mines ?» Madame de Pompadour répondit « Oh, vous ne connaissez pas le roi. Quand il devrait la mettre ce soir même dans son appartement, il lui montrerait de la froideur en public et il me ferait des amitiés. Ce n'est pas qu'il soit faux, naturellement, c'est son éducation qui le rend ainsi. » Pour parer le coup, Madame de Pompadour eut une idée bien féminine. Elle s'adressa à Janel, l'intendant des postes, celui qui donnait au roi des extraits des correspondances. Janel, qui désirait lui être agréable, glissa dans les papiers que l'on remettait au roi une lettre probablement fabriquée et attribuée à un vieux conseiller du Parlement. Ce vieux magistrat écrivait à un ami également imaginaire auquel il disait « Il est juste que le roi ait une amie, une confidente, mais qu'il garde donc celle qu'il a. Elle est bien, elle ne fait de mal à personne, et enfin sa fortune est faite, elle ne demande rien. Celle dont on parle aura toute la superbe de quelqu'un qui est de grande naissance, elle sera exigeante, il faudra lui donner 1 million par an et faire une situation à tous ses parents. Cette lettre du vieux conseiller au Parlement produisit son effet. Le roi, qui était très avare, s'imagina que l'on en voulait à sa cassette, et la liaison avec Madame de Coislin fut arrêtée du coup. La jeune comtesse de Choiseul, plus habile, n'accorda presque rien au roi et demanda tout. Mais ses propres amis la trahirent, et Madame de Pompadour, avertie à temps, manœuvra pour évincer la rivale. Madame de Pompadour, après quelques années de cette vie, était excédée, épuisée. Elle sentait que le roi se détachait d'elle. Elle était si malade, si fatiguée, que sa beauté avait pâli avant l'âge. Elle fit alors une chose très rare. Elle sacrifia l'amant pour garder l'ami, et ce fut l'époque où, dans les magnifiques jardins de son beau château de Bellevue, on vit la statue de l'amitié remplacer la statue de l'amour. Mais l'amitié de Madame de Pompadour n'était pas une déesse chaste et grave. C'était une amitié aux jambes nues, aux seins nus, drapés de voiles aimables, et qui ne cachait guère que l'essentiel. C'était une nymphe qui avait beaucoup fréquenté Vénus, une amitié de style Pompadour que Madame de Maintenon n'eût pas voulu pour patronne. Pourtant, ces deux marquises, que je ne prétends pas comparer, eurent toutes les deux ce même rôle de consoler par l'amitié les ennuis d'un prince vieillissant. Chacune eut un procédé particulier, une manière spéciale. Madame de Maintenon avait fondé Saint-Cyr pour que le roi se divertît innocemment à voir de petites filles très sages jouant la comédie. Madame de Pompadour, au contraire, a présidé de loin à l'organisation du parc Auxerre où Louis XV fréquenta, de près, des petites filles pas sages du tout. La légende du parc Auxerre a défrayé les pamphlétaires. L'imagination populaire se représente un château mystérieux, entouré de grands arbres et clos de grands murs, un château lugubre comme un abattoir, où des portes capitonnées étouffent les cris des victimes. Louis XV, transformé en ogre des contes ou en barbe bleue, y dévorait toute vive des enfants de 7 à 8 ans. Ce n'est pas cela du tout. Le vrai parc Auxerre est beaucoup moins romantique et la débauche royale beaucoup plus modérée et, si l'on ose dire, plus bourgeoise. Le parc Auxerre existe encore. C'est une modeste maison qui porte le numéro 4 de la rue Saint-Médéric à Versailles. Cette maison a été remaniée, mais l'appartement est intact. Il se compose de 3 petites pièces basses et de dimensions très modestes. Il y a une petite chambre, un salon avec une alcôve et un cabinet de toilette avec une espèce de petite porte pratiquée dans le mur pour pénétrer dans la place lorsque l'on voulait y venir sans être vu des domestiques. C'est là que le roi Louis XV logeait 1 ou 2, tout au plus, de ses humbles favorites. Ces jeunes filles venaient généralement de l'atelier de Boucher. Le peintre Boucher, qui était un grand coureur de femmes et qui s'y connaissait, faisait venir de très jolis petits modèles, et comme il n'était pas très scrupuleux, il en envoyait quelques-unes au roi. C'étaient de petites bourgeoises parisiennes, de petits trottins, des ouvrières en mode. On y rencontrait Mademoiselle Morphy, Mademoiselle Robert, Mademoiselle Hénaud, et une jeune fille de meilleure origine qui était extrêmement belle et s'appelait Mademoiselle de Romans. Celle-là ne fit que passer au parc Auxerre. Elle était très fière et voulut avoir une maison pour elle. Madame de Pompadour ne craignait pas beaucoup ces jeunes filles sans éducation et sans influence, qui n'avaient sur elle que l'avantage de la jeunesse, et sa froideur naturelle lui épargnait la tristesse des jalousies rétrospectives. Elle n'alla presque jamais au parc Auxerre. Je crois même qu'elle n'y alla pas. Mais elle s'en occupa beaucoup, et de temps en temps, dans les circonstances difficiles, on avait recours à elle. Elle lui envoyait Madame du Hausset. Les Bourbons étaient des gens prolifiques, et lorsqu'une de ces demoiselles du parc Auxerre promettait au roi une nouvelle paternité, il faisait les choses médiocrement. Il donnait à la mère une petite dot, à l'enfant une petite rente, et puis on cherchait quelques tambours-majors ou quelques beaux sous-officiers qui prenaient la mère, l'enfant et la dot sans demander des explications que l'on n'aurait pas données. Les petites demoiselles du parc Auxerre ne devaient pas savoir quel était l'homme mystérieux qui leur rendait visite. On leur disait que c'était un seigneur polonais, parent de la reine, et que comme celle-ci était très dévote, il était obligé de se cacher pour ne pas scandaliser sa vénérable parente. Ce n'était pas très bien de la part de Louis XV de mettre sa femme dans cette histoire. Les petits trouvaient ce Polonais si beau, si distingué et si aimable, que quelques-unes, plus curieuses que les autres, fouillèrent ses poches et comprirent que leur ami n'était peut-être pas Polonais, mais qu'il touchait de près à la reine. Ces petites curieuses furent punies comme Psyché. Le roi les éloigna et les maria bien vite. Au moment de l'attentat de Damiens, une des petites jeunes filles, qui avait aussi reconnu le roi dans le visiteur mystérieux, se jetant en sanglotant à ses genoux lorsqu'elle le revit après l'attentat, en lui disant « Mon cher seigneur, j'ai cru mourir en pensant que vous étiez assassiné. Je vous en prie, ne mourrez pas. » Le roi ne fut pas attendri. Il prit la chose très mal et l'on envoya cette petite dans une maison de fous en disant qu'elle rêvait tout haut. Tant d'efforts, tant de patience habile et tant de sacrifices assurèrent la situation de Madame de Pompadour jusqu'à la fin de sa vie. Elle mourut satisfaite dans ses ambitions, mais je crois qu'elle n'avait pas été heureuse. Vers les derniers temps, elle montra une étrange résignation, un stoïcisme bien inattendu chez une créature faible et gracieuse qui atteignait à peine la maturité. Elle semblait lasse de tout et d'elle-même. Quand elle se sentit perdue, elle fit demander au roi quelle conduite elle devait tenir, si elle devait recevoir un prêtre ou n'en pas recevoir. Elle n'osait se sauver ou se damner sans la permission du roi, tellement elle avait l'habitude de faire tout ce qu'il voulait. Le roi, qui n'avait plus rien à perdre, lui dit qu'elle pouvait recevoir un prêtre et qu'il aimait mieux qu'elle mourût décemment. Les derniers jours de sa vie, elle fit venir un notaire, lui remit son testament, donna quelque chose à ses gardes malades, s'habilla, se fit mettre un peu de rouge et reçut le curé de la Madeleine, car elle avait une maison faubourg Saint-Honoré, ce qui fait que la Madeleine était sa paroisse. Ils causèrent, et lorsque le curé voulut se retirer, elle lui dit, avec un sourire faible et gentil, un mot qui est vraiment admirable, « Monsieur le curé, encore un moment, nous nous en irons ensemble. » Elle s'en alla bientôt, toute seule, dans le terrible inconnu de la mort. La duchesse de Pralin, qui était à une des fenêtres de Versailles, vit deux hommes portant une civière sur laquelle se trouvait un corps recouvert d'un drap dessinant toutes les courbes et tous les reliefs du cadavre. C'était Madame de Pompadour que l'on rapportait à son hôtel de la rue des Réservoirs, parce que l'étiquette ne permettait pas qu'un mort restât dans le château de Versailles. Le lendemain, le cortège funèbre traversa la place devant la grille du château sous une pluie battante. Une des fenêtres s'ouvrit. Le roi s'avança sur le balconnet, seul avec son valet de chambre. Il resta nu-tête sous la pluie, regardant la voiture aussi longtemps qu'il put la voir, et des larmes coulèrent sur ses joues. Puis il rentra en disant « Voilà les seuls honneurs que j'ai pu lui rendre. » Il était certainement aussi affligé qu'il pouvait l'être, mais la Du Barry était là. Voltaire, qui s'était brouillé depuis longtemps avec la marquise, lui rendit cependant justice lorsqu'elle fut morte. La postérité a été très sévère pour Madame de Pompadour, car elle a des accès de pudibonderie extraordinaires. Peut-être me trouverez-vous trop indulgente. Vous voudriez sans doute que je vous dise que je trouve la marquise abominable. Eh bien non, elle ne me semble pas si abominable que cela. Bien entendu, il ne serait pas souhaité que toutes les femmes suivent son exemple. Mais il faut reconnaître qu'elle aura peut-être pu faire beaucoup plus de mal qu'elle n'en a fait, et qu'elle a eu sur le roi une influence délicate, qu'elle a plutôt retardé le moment où il est tombé dans la débauche. Elle lui a donné une certaine curiosité intellectuelle, et même au point de vue politique, elle a joué un rôle dont je ne vous parlerai pas car cela n'entre pas dans le cadre de cette conférence. Diderot disait « Que restera-t-il d'elle ?» Le traité de Versailles qui durera ce qu'il pourra, l'amour de Bouchardon que l'on n'admirera jamais, quelques pierres gravées qui étonneront les antiquaires à venir, un bon petit tableau de Van Loo que l'on regardera quelquefois, et une pincée de cendre. Il est resté bien autre chose, l'école militaire dont elle s'occupa, la manufacture de Sèvres qui est son œuvre, tout un style d'art décoratif et enfin, une charmante image de la Parisienne qui est, dans la galerie des figures historiques, comme une statue de Sèvres parmi les marbres et les bronzes. Selon l'expression d'un contemporain, Madame de Pompadour a encore des ennemis. Elle a aussi des admirateurs fanatiques. Elle a même des amoureux. Quoi qu'on en pense, sa grâce est la plus forte. Ainsi s'achève Madame de Pompadour par Marcel Tinner.